إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc on va continuer inchallah sur l'étude du livre de l'unicité de l'imam Mohammed ibn Ismail, rahimahullahu ta'ala. Et donc, dans la dernière allocution, dans le dernier cours, on avait fini l'étude du chapitre concernant la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, le Très-Haut, wa kana Allahu sami'an basira. Et Allah est l'audient, le clairvoyant, une traduction relative du sens du verset. Et donc là, on va passer à l'étude d'un nouveau chapitre. Et donc ensuite, l'imam al-Bukhari, l'auteur du livre, ensuite va évoquer un nouveau chapitre en disant bab qawlillahi ta'ala qul huwal qadir qul huwal qadir. Et donc il va citer un nouveau chapitre, et en guise d'intitulé à ce chapitre, il va mentionner un verset. Donc il va mentionner le verset 65 de la sourate Al-An'am, le verset 65 de la sourate Les Bestiaux. En l'occurrence, lorsqu'Allah Jalla wa Ala dit qul huwa al-qadir, qul huwa al-qadiru, certes, c'est lui qui est le capable. En traduction relative de al-qadir. Donc dans ce verset, on a l'évocation d'un des noms sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-qadir. Al-qadir, c'est celui qui est capable, c'est celui qui a le pouvoir absolu, subhanahu wa ta'ala. Donc dans ce chapitre, l'imam al-Bukhari, dans un premier temps, il a évoqué ce verset, donc le verset 65 de la sourate Les Bestiaux. Et ensuite, dans un deuxième temps, il va citer un hadith. Et dans ce hadith, il va mentionner le récit concernant la consultation, la prière de consultation. Donc il dit حدثني إبراهيم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثني إبراهيم ابن المنذر قال حدثنا مغني بن عيسى قال حدثنا عبد الرحمن ابن أبي الموالي قال سمعت محمد بن المنكدر يحدث عبد الله بن الحسن يقول أخبرني جابر بن عبد الله السلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما يعلم السورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمر، اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمر ثم تسمي بعيني خيرا لي في عاجلي أمري أو آجلي، خيرا لي في عاجلي أمري وآجلي، قال أو في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، اللهم إن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري أو آجلي، فاصرفني عن واقدر لي الخير حيث كان، ثم ردني به. Voilà le récit qu'évoque l'imam al-Bukhari dans ce chapitre, après avoir évoqué le verset 65 de Sourate al-An'am. Donc après qu'il ait mentionné la chaîne de transmission de ce récit qui remonte jusqu'à Jabir ibn Abdillah, où le compagnon Jabir ibn Abdillah mentionne que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam enseignait ce qu'on appelle al-istikharata à ses compagnons. Donc il enseignait à ses compagnons al-istikharata fil umuri kulliha. Et on a dit précédemment, donc l'imam al-Bukhari, lorsqu'il va rapporter ce hadith, donc il va mentionner la chaîne de transmission qui remonte jusqu'au compagnon Jabir ibn Abdillah en disant Haddathani Ibrahim ibn al-Mundhir, Haddathana Marn ibn Isa, Haddathani Abdurrahman ibn Abi al-Mawali, Qala Sami'atu Muhammad ibn al-Munkadir, Yuhadithu Abdullah ibn al-Hassan, Yaqul Akhbarani Jabir ibn Abdillah, As-Salami. Alors le compagnon du prophète, As-Salam, ce célèbre compagnon qui s'appelait Jabir ibn Abdillah, nous rapporte que le prophète sallam enseignait à ses compagnons ce qu'on appelle al-istikhara. Al-istikhara. Al-istikhara, c'est ce qu'on pourrait traduire la prière de consultation. La prière de consultation. Donc le prophète sallam enseignait à ses compagnons la consultation. Et on va expliquer plus en détail ce qu'est véritablement la consultation. Comment on peut comprendre réellement al-istikhara, non traduit de manière relative, hein, et rapprocher la consultation. Donc le prophète, sallam, enseignait à ses compagnons une prière qu'on appelle la prière de consultation. Et le compagnon Jabir ibn Abdillah stipule bien « fil umuri kulliha » que le prophète, sallam, leur enseigne cela en toutes choses, pour toutes leurs affaires, si vous voulez. Pour toutes leurs affaires, alors le prophète sallam leur enseignait al-istikhara. En d'autres termes, en toutes choses. Donc le prophète leur enseignait la manière de consulter Allah subhanahu wa ta'ala en toutes choses. Kama yu'allimu surat min al-Qur'an, et comme il leur enseignait les sourates du Coran. C'est-à-dire que le compagnon ici stipule bien que le prophète sallam enseigner à ses compagnons cette prière de consultation, c'est ce qu'on appelle l'istikhara. Il leur enseignait comme il leur enseignait les sourates du Coran. Donc on va voir dans l'explication que là, c'est une précision très importante du fait que le prophète, sallam, cette prière-là qu'on va apprendre, cette sorte d'invocation qu'on va apprendre à travers l'étude de ce chapitre, eh ben le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'enseignait à ses compagnons comme il leur enseignait les sourates du Coran. Et donc le prophète sallam disait à ses compagnons: "Idha hamma ahadukum bil amr falyarka rak'atayn min ghayri al-fariḍah, thumma liyaqul Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlik fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allam al-ghuyub. Allahumma fa in kunta ta'lam hadha al-amr thumma tusammihi bi'ayni khayran li fi 'ajili amri وآجري. قال أو في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اللهم إن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجري، فاصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. Donc le prophète, sallam, leur disait, dans une traduction rapprochée de cette prière de consultation, le prophète, sallam, leur disait, lorsque l'un d'entre vous décide de faire quelque chose, alors qu'il accomplisse donc deux rak'a, deux unités de prière, autre que les prières obligatoires. Puis le prophète, sallam, leur disait, et qu'ils disent, ô Allah, par ta connaissance, je te consulte, et par ton pouvoir, je t'implore de m'accorder la capacité d'accomplir, entre guillemets, mes desseins. Et je te demande de m'octroyer une part de ta grâce immense. Tu es certes capable, et je suis incapable. Tu sais tout, tandis que moi, je ne sais pas. Et c'est toi qui connais parfaitement les choses invisibles. Ô Allah, si tu sais que cette chose, et donc ensuite le prophète Azam disait de la nommer clairement, la chose en question, hein, si tu sais que cette chose est une source de bien pour moi, dans ma religion, dans ma vie présente, ici-bas et dans l'au-delà, destine-la moi et facilite-la moi, puis bénis-la pour moi. Et si tu sais que cette chose est pour moi une source de mal, dans ma religion, dans ma vie présente et dans ma vie future, alors détourne-la de moi et détourne-moi d'elle et prédestine-moi le bien là où qu'il se trouve. Prédestine-moi le bien là où qu'il se trouve. Puis, fais que je me satisfasse de cette décision. Donc voilà, ça c'était, en quelque sorte, c'est la traduction de cette invocation. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, enseignait à ses compagnons que lorsqu'ils avaient besoin de consulter Allah, alors il leur enseignait cette manière de consulter Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsqu'on veut faire une consultation, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné cette immense manière et cette immense invocation. Donc par cette invocation, on peut consulter Allah Jalla Wala. En d'autres termes, c'est de cette manière que lorsqu'on veut consulter Allah, qu'il faut le consulter. C'est de cette manière-là, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à ses compagnons. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné donc cette invocation-là, cette prière-là, à ses compagnons, comme il leur enseignait les sourates du Coran. Donc maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est de comprendre cette invocation et de comprendre certains enseignements que renferme cette invocation. Mais avant de commencer dans l'explication de la prière de la consultation, on va d'abord revenir au verset, le verset qu'a utilisé l'auteur, l'imam al-Bukhari, en guise d'intitulé au chapitre. Et de ce fait, si on comprend le verset, donc on va comprendre le thème et le sujet du chapitre, et donc ensuite on comprendra le lien qu'il y a entre ce hadith, où il y a l'évocation de la prière de la consultation, avec le thème et le sujet du chapitre. Donc l'imam al-Bukhari, comme on a dit précédemment, il a mentionné le verset 65. Le verset 65 de surat al-An'am, de la surat al-An'am. Et on voit que dans ce verset, donc l'auteur ne l'a pas mentionné en vain, il y a un but bien précis, on voit que ce verset, il comprend un nom parmi les noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala. En l'occurrence, vous avez pu le constater, le nom qui est Al-Qadir. Al-Qadir, comme Allah dit dans le verset, قُلْ هُوَ الْقَادِرُ. Donc dans ce verset, il y a allusion à l'un des noms sublimes d'Allah qui est Al-Qadir, comme on a dit. Et donc parmi les noms d'Allah, وَمِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ, il y a Al-Qadiru wa والقدير والمقتدر لكن القادر جاءت مقيدة كما قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله. Donc le Qadir, c'est celui qui est capable de toute chose. Donc le Qadir, ça dénote qu'il a le pouvoir sur toute chose et qu'il est capable de toute chose, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça lorsqu'on dit al Qadir ala kulli shay, c'est celui qui est capable de toute chose, subhanahu wa ta'ala. Et donc, vous avez compris que dans ce chapitre, on va parler du pouvoir absolu d'Allah, subhanahu wa ta'ala, on va parler de sa puissance, de sa capacité, du pouvoir d'Allah, subhanahu wa ta'ala. En l'occurrence, vous pouvez trouver dans le Coran trois des noms sublimes d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui dénotent cela, qui sous-entendent le pouvoir d'Allah, la capacité d'Allah, subhanahu wa ta'ala. En l'occurrence, il y a ce nom qu'on est en train d'étudier, qu'on a vu, qui est évoqué dans ce verset, Al-Qadir, mais on a un autre nom d'Allah, Jalla wa ala sublime, qui est mentionné, évoqué dans le Coran, qui est Al-Qadir. Al-Qadir. Et on a le troisième, Al-Muqtadir. Et donc, si on observe le Coran, hein, si on médite les versets où il y a l'évocation de ces noms, on verra que lorsqu'il y a la mention et la citation de Al-Qadir, de ce nom, on voit qu'il Ja'at muqayyada. Il vient muqayyad. Muqayyada dans le sens, il vient lié à quelque chose. Donc lorsqu'il est cité, il est lié à quelque chose. Tandis que vous pouvez observer, lorsqu'il y a la mention du nom Al-Muqtadir ou bien Al-Qadir ou Al-Qadir, par exemple, ces deux noms-là, alors ils sont évoqués d'une manière absolue. Donc, Ja'at Mutlaqa, comme l'explique l'auteur du commentaire, Cheikh Mohamed ibn Saleh Al-Uthaymeen. En effet, par exemple, si on reprend le verset qu'a mentionné l'auteur, l'imam al-Bukhari, donc le verset « Qul huwa al-Qadir ». Là, l'imam al-Bukhari, si vous constatez, on a dit c'est le verset 65 dans la Sourate les Bestiaux, il a mentionné juste une partie du verset. Sinon, si on cite le verset de manière complète, alors Allah Jalla wa'ala dit « Qul huwa al-Qadir ala ayya ba'atha alaykum azaabam min fawqikum ». Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui est capable d'envoyer un châtiment, de vous envoyer un châtiment d'au-dessus de vous. Ou bien dans une traduction plus proche, dit c'est lui qui est capable de susciter contre vous un châtiment venant d'en haut, d'au-dessus de vous, ou bien en dessous de vos pieds. Donc c'est lui qui est capable, Allah Jalla wa'ala dans ce verset dit que c'est lui qui est capable de susciter contre vous, venant d'au-dessus de vous, un châtiment venant d'au-dessus de vous, ou bien d'en dessous vos pieds. Donc Allah Jalla wa'ala nous informe qu'il est capable de cela. Et on voit donc que lorsqu'il est mentionné dans ce verset, son nom Al-Qadir, il a été lié à ce châtiment qui peut venir par-dessus les êtres comme en dessous leurs pieds. Qu'Allah Jalla wa'ala peut susciter si vous voulez. Donc Al-Qadir ici est lié à ce qui a été mentionné ensuite. Tandis que si vous observez dans d'autres versets, lorsqu'il est mentionné un autre parmi les noms d'Allah qui dénote la puissance et le pouvoir absolu d'Allah, en l'occurrence sa capacité, ce qu'on appelle en arabe Al-Qudra, on a donc Al-Qadir, comme on a dit. Al-Qadir fait partie des noms sublimes d'Allah, comme Al-Muqtadir aussi. Eh bien, ces deux noms, ils viennent d'une manière absolue. Dans les textes, par exemple, à titre d'exemple, on a dans la sourate Ar-Rum, des Byzantins ou des Romains, là, le verset 54. Lorsqu'Allah Jalla wa'ala dit « Wa huwa al-alim al-qadir »« Wa huwa al-alim al-qadir » qu'on pourrait traduire d'une manière relative, et c'est lui l'omniscient, l'omnipotent, c'est-à-dire Al-Alim, celui qui a la connaissance de tout, qui détient la science infinie, ou Al-Qadir, celui qui a la puissance, le pouvoir infini, celui qui est capable de tout, Al-Qadir. Et وجاءت مقيدة لكنها بالعموم لكنها بالعموم. Et ce nom peut venir lié, mais il aura une portée générale. على كل شيء قدير. Regardez lorsque dans le verset surat Fatir, le verset 1, على كل شيء قدير. والمقتدر جاءت مطلقة. Tandis que le nom المقتدر lui vient avec une portée absolue. Il vient les mentionner d'une manière absolue. Fi maq'adin sidiqin 'inda malikin muqtadir. Comme dans le verset 55 de la sourate Al-Qamar, la lune, lorsqu'Allah Jalla wa'ala dit fi maq'adin sidiqin 'inda malikin muqtadir. Dans une traduction du sens du verset, Allah Jalla wa'ala dit lorsqu'il va parler des pieux, et donc eux, ils ont la récompense du paradis, et ils sont dans un paradis où il y aura des jardins où coulent des ruisseaux. Ensuite, il dit, dans un séjour de vérité auprès d'un Seigneur omnipotent, auprès d'un Seigneur plutôt souverain, Malikin Muqtadir. On pourrait dire omnipotent, c'est-à-dire un Seigneur qui est capable de tout, qui a le pouvoir sur tout. Et donc, de manière plus simple, pour résumer, l'auteur du commentaire nous dit, وَهَذِهِ كُلُّهَا تَعُودِ إِلَى مَعْنَى وَاحِدٍ وهو القدرة والقدرة هي فعل الفاعل بدون عجز فالذي يقابل القدرة هو العجز والدليل على هذا قوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا وقال وما كان الله ليعجزه علل ذلك بأنه عليما قديرا والعليم ضده الجاهل والقدير ضده العاجز والجاهل معلوم أنه يعجزه الشيء فإن الإنسان قد يكون قادرا غير عاجز لكن لجهره بالشيء لا يستطيع أن يفعله، وقد يكون الإنسان عالما لكنه عاجز فلا يستطيع أن يفعل، فالله عز وجل لا يمنعه شيء ولا يعجزه شيء لأنه عليم قدير. ثم القدرة متعلقة بكل شيء، عامة في كل شيء، لقوله عز وجل وكان الله على كل شيء قديرا، فلم تعلق أو فلم تعلق القدرة بالمشيئة، فهو قادر على ما يشاء وما لا يشاء. وأما قوله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، فالتعليق بالمشيئة هنا لا يعود على القدرة بل يعود على الجمع، يعني إذا شاء جمعهم فإنه ليس بعاجز، فإنه ليس بعاجز عنه بل هو قدير علي. ومن هنا نعرف أن قول بعض الناس إنه على ما يشاء قدير خطأ، لأنهم إذا قالوا إنه على ما يشاء قدير فخصصوا القدرة بما يشاء، ولازم من ذلك أن يكون غير قادر على الذي لا يشاءه سبحانه وتعالى، وهذا مستحيل، كما قال أن هذا القول من قال إنه على ما يشاء قدير فهذا غلط وهذا خطأ، لأنهم إذا قالوا إنه على ما يشاء قدير فخصصوا القدرة بما يشاء، ولازم من ذلك أن يكون غير قادر على الذي لا يشاء. طيب donc on va continuer inshallah. Ce qu'il faut retenir maintenant d'une manière très simple, ce qu'on est en train d'expliquer, pourquoi l'auteur du commentaire nous explique ça, c'est pour comprendre le thème. Donc le thème de ce chapitre, comme vous avez pu le comprendre maintenant, on va parler maintenant de ce qu'on appelle Al-Qudra, la puissance d'Allah, Jalla wa Ala, ou bien le pouvoir absolu d'Allah, ou le fait qu'il est capable de toute chose, la capacité d'Allah, Jalla wa Ala. Et en arabe, ce terme-là s'appelle Al-Qudratu, Al-Qudra. Et Al-Qudra, c'est le fait d'avoir le pouvoir, la capacité de tout faire, d'être capable de tout. Et ça, Al-Qudra, ça fait partie des attributs de notre Seigneur, des attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que dans la langue arabe, l'inverse de Al-Qudra, c'est Al-Ajz. C'est Al-Ajz. Et dans la langue arabe, Al-Ajz, c'est une forme d'incapacité. C'est le fait d'être incapable. Et donc, Al-Ajz, cette incapacité-là, elle ne peut être en aucun cas attribuée à Allah, subhanahu wa ta'ala. Bien au contraire, ce qui est attribué à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la perfection. De ce fait, Allah est celui qui détient le plein pouvoir, le pouvoir complet et absolu subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'on dit dans un terme hein, qui est approximatif et relatif, on dit qu'il est l'omnipotent, celui qui a le pouvoir absolu, qui est capable de toute chose subhanahu wa ta'ala. Et ça, cette explication-là est même prouvée dans un verset, dans le Coran. Dans le Coran, Allah dit « وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا » Allah nous dit qu'il n'y a rien qui peut réduire Allah Jalla wa Ala à l'incapacité. Rien ni personne, qu'il soit dans les cieux ou bien sur terre. « إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا » Car Allah Jalla wa Ala nous dit « Il est certes l'omniscient, l'omnipotent », c'est-à-dire celui qui est capable de tout, subhanahu wa ta'ala. Et là, les savants ont déduit aussi, hein, par rapport à la linguistique arabe hein, et par rapport au sens des termes dans la langue arabe, ils ont dit, pour prouver ce qu'on vient de dire précédemment, ils ont dit, regardez, dans le verset Allah Jalla wa Ala, si on l'observe bien, on le médite, Allah dit, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَجِزَهُ. Donc vous avez vu, il y a le terme, ça c'est le verbe, on a le terme لِيُعَجِزَهُ. Donc, rien ni personne ne peut réduire Allah Jalla wa Ala à l'incapacité. لِيُعَجِزَهُ. Vous avez vu, vous entendez le terme Al-Ajz ici qui est l'incapacité. Et à la fin, Allah Jalla wa Ala, pour montrer, pour indiquer sa totale et complète capacité et son plein pouvoir, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا. Et certes, Allah est l'omniscient, celui qui a la connaissance de tout, et il est donc capable de tout. Et là, si vous observez donc, pour répondre, lorsqu'Allah Jalla wa Ala dit « وَمَا كَانَ اللَّهِ لِيُعْجِزَا » et rien ne peut et ni personne ne peut réduire Allah Jalla wa Ala à l'incapacité, ensuite à la fin du verset, donc Allah Jalla wa Ala nous mentionne deux de ces noms, parmi ces noms sublimes, Al-Alim ou Al-Qadir. Et lorsqu'on observe ces deux noms, Al-Alim, donc c'est l'omniscient, celui qui a la science de tout, c'est l'inverse de l'ignorance. Donc celui qui a la connaissance de tout, c'est l'opposé de l'ignorance. Et donc celui qui est capable de tout, qui a le pouvoir absolu et la puissance totale, c'est l'opposé, c'est l'inverse de Al-Ajz. Al-Ajz, donc Al-Ajz, c'est l'opposé de l'incapacité. Donc celui qui est capable de tout, c'est l'inverse et l'opposé de l'incapable. Et celui qui a la connaissance, qui est le grand connaisseur, qui a la connaissance de tout, qui est l'omniscient, c'est l'inverse de celui qui est ignorant. Et de ce fait, écoutez bien, vous allez voir cette faïda que va mentionner l'auteur du commentaire. Il précise, si vous voulez, un point important du verset lorsqu'on le médite, c'est qu'il y a la liaison entre deux noms. Vous avez vu souvent dans le Coran, on a dit qu'il y a la liaison entre certains noms parmi les noms sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans le Coran, Allah jalla wa ala, lorsqu'il mentionne ces noms, lorsqu'il nous enseigne à son sujet, alors Allah jalla wa ala mentionne ces noms. Donc lorsqu'Allah Jalla wa Ala mentionne ses noms parmi ses noms sublimes, Allah Jalla wa Ala nous informe à son sujet. Pourquoi? Parce qu'Allah Jalla wa Ala nous commande et nous ordonne de l'adorer. Et Allah Jalla wa Ala veut de nous qu'on l'adore avec connaissance. Donc qu'on adore notre Seigneur avec connaissance, c'est-à-dire qu'on puisse connaître notre Seigneur, notre Créateur, celui qu'on adore, qu'on ait une connaissance à son sujet. Et cela ne peut mieux se faire quand, ça ne peut pas mieux se faire, si ce n'est qu'en apprenant, comme on l'a déjà dit dans des allocutions précédentes, en apprenant, en comprenant ses noms et ses attributs, ses noms sublimes, subhanahu wa ta'ala. Et regardez, donc dans le Coran, on a dit dans maintes versets, il y a souvent la liaison entre des noms, entre deux noms. Par exemple, on avait fait déjà allusion, wa huwa al-alim al-hakim, et c'est certes l'omniscient, le sage, par exemple, ou Al-Aziz aussi. Al-Aziz, c'est le tout-puissant, et Al-Hakim, le sage. Donc souvent dans le Coran, vous allez voir qu'il y a cette liaison, c'est-à-dire que le nom d'Allah, le tout-puissant, est souvent mentionné et suivi du nom Al-Hakim, le sage. C'est-à-dire qu'Allah aussi bien, il est le tout-puissant, mais Allah Jalla wa Ala détient la sagesse infinie. Il est le sage, subhanahu wa ta'ala, par excellence. Et ici, regardez dans ce verset aussi, il y a la liaison entre deux noms. Al-Alim ou Al-Qadir. Celui qui a la connaissance de tout et Al-Qadir. Et vous allez comprendre ici le sens très fort que dénote cette liaison. Regardez. Fa'inna l'insan qad yakun qadiran ghayr ajiz. Lakin li jahlihi bishay la yastati an yaf'ala. Regardez, parfois une personne, elle peut avoir la capacité, elle peut être capable de faire une chose, mais le fait qu'elle ignore, le fait qu'elle soit ignorante, cette ignorance-là l'empêche de faire cette chose. Donc, imaginez-vous par exemple, une personne qui a la capacité de faire une chose, d'accomplir une chose, mais cette personne est ignorante, elle n'a pas la connaissance. Cette ignorance-là peut l'empêcher d'accomplir cette chose. Et à l'inverse, vous pouvez trouver une personne qui a la connaissance, donc d'une chose, il a le ilm et la science, le savoir d'une chose, lakinnahu ajiz, mais il n'a pas la capacité, il est incapable de faire cette chose-là. Il est incapable de faire cette chose-là. Donc on voit celui qui a la connaissance sans la capacité, c'est une déficience et un manquement, et celui qui a la capacité sans la connaissance, et la science, le savoir, c'est une incapacité aussi, c'est une imperfection, c'est un manquement, c'est une défaillance. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, regardez, à son sujet, il nous informe qu'il est l'omniscient et l'omnipotent, c'est-à-dire qu'Allah jalla wa ala, fahuwa al-alim, il est celui qui a la connaissance de tout, subhanahu wa ta'ala, rien ne lui échappe, sa science embrasse toutes choses, et Allah jalla wa ala, est aussi celui qui est capable de tout, qui a la puissance sur tout, qui a le pouvoir absolu, il est le détenteur de ce pouvoir absolu, et donc il est capable de toute chose. Donc on voit quand le nom Al-Alim est lié, il y a cette liaison avec le nom suivant, El-Qadir, ça dénote vraiment une perfection, une immense perfection et un pouvoir total et complet d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, en d'autres termes, pour résumer, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce chapitre-là, comme on l'a dit précédemment, on va parler de cet attribut qui est Al-Qudra, la capacité absolue d'Allah Jalla wa'ala à faire ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Et en parlant de l'importance de la science, lorsqu'une personne a la connaissance, c'est-à-dire lorsqu'on est capable de faire une chose, et on ajoute à cela la science et le savoir, hein, alors comme on l'a dit précédemment, ça dénote vraiment, ça intensifie, si vous voulez, la perfection. Regardez, l'auteur du commentaire va nous mentionner une histoire. Il dit « Yudhkar anna judud al-shaytan qalu lahum » نراك تفرح إذا مات العالم أكثر مما تفرح إذا مات العابد لأن العالم أشد على الشيطان من العابد فقال عن نفسه إنه يفرح بموت عالم أكثر مما يفرح بموت ألف عابد وقال سأختبر العالم والعابد فأرسل جنوده إلى العابد فقالوا له هل يقدر الله على أن يجعل السماوات والأرض في جوف بيضة العابد على طبيعته قال لا ينفع لا يقدر على أن يجعل السماوات والأرض في جوف بيضة فرجع الجنود إلى زعيمهم وقالوا إنه قال لا يقدر قال إذن نفى قدرة الله عز وجل نفى قدرة الله ثم أرسلهم إلى العالم فقالوا له هل يقدر الله على أن يجعل السماوات والأرض في جوف بيضة قال نعم قالوا كيف ذلك؟ قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فإذا أمر الله السماوات والأرض أن تكون في البيضة صارت إما أن تصغر السماوات والأرض وإما أن تكبر البيضة المهم إذا أراد الله ذلك قال له كن فيكون. Alors l'histoire que nous raconte Charles Thémin, il nous dit, alors il a été rapporté qu'un jour les soldats du démon, les soldats de Shaytan, et vous savez Shaytan, Satan, Iblis, hein, il a des ordres, il a des soldats, il a des armées. Et donc il envoie ses soldats pour aller tenter les êtres humains, pour aller tenter les hommes, pour aller séduire les hommes, pour aller essayer de faire dévier les hommes du droit chemin. Donc, il les envoie, eux, ils vont s'efforcer. Hein. Ils vont s'efforcer sans relâche. Hein. Ça va être vraiment quelque chose sans relâche. Ils vont mettre tous leurs efforts pour causer la dérive des gens et des hommes. Donc, c'est pour cela que parmi les stratagèmes et les ruses et les complots d'Iblis, hein, contre les êtres, contre les hommes, les êtres humains en général, c'est parfois il leur envoie des ordres, il leur envoie des soldats à lui. Et donc ces soldats, ils vont s'efforcer de causer l'égarement et l'errance, les dérives de ces gens-là. Et on a dit que pour Shaytan, un seul savant est plus dur de faire dévier, d'égarer que 1000 adorateurs. Donc pour lui, 1000 adorateurs, c'est préférable. Parce que c'est plus simple à égarer qu'un seul savant. Un seul savant, pour lui, c'est compliqué et difficile de l'égarer. Donc, son but, ça sera d'égarer les gens. Donc, il va leur envoyer des soldats. Et eux, ils vont cesser sans relâche d'essayer d'égarer les gens dans les faux chemins et dans les faux sentiers. De les faire dévier du droit chemin et du sentier droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'on a dit aussi parmi les choses hein, que Shaytan aime et parmi les grands soldats, ceux qui sont en quelque sorte médaillés, couronnés, qui sont couronnés auprès de Shaytan, lorsqu'il envoie des soldats à lui et ils arrivent par exemple à semer la discorde dans un couple entre un époux et son épouse. Alors lorsqu'un de ces soldats arrive à semer la discorde et les disputes et il arrive à séparer entre deux conjoints, entre l'épouse et son époux, alors là, il est couronné, comme c'est mentionné dans des récits. Donc là, dans cette histoire, il est rapporté qu'un jour, ils ont dit à Shaytan, et lui ont dit, on voit que lorsque un savant meurt, on voit que tu te réjouis plus Tu es plus content que lorsque un adorateur meurt et décède. On te voit que vraiment, lorsque c'est un savant qui décède et qui meurt, on te voit content. Et là, tu te réjouis. Et là, comme on l'a dit précédemment, pourquoi ? Alors, Shaitan se réjouit de la mort du savant, parce que le savant, il est plus difficile de l'égarer, comme on l'a dit précédemment, que 1000 adorateurs. Donc, et là, il leur fit part qu'effectivement, il se réjouit de la mort du savant. Et ensuite, il dit, je vais tester un savant et un adorateur. Et là, ce qu'il a fait pour tester le savant et l'adorateur, alors il a envoyé ses soldats. Il a envoyé des soldats à lui, parmi les démons. Donc il envoie des démons, hein, des shayatin, hein, comme on dit. Faqalu lahu, lorsqu'ils sont arrivés chez le abid, ils lui ont dit, donc un démon, il lui a insufflé, il lui a dit, « Hal yaqdiru Allah ala an yaj'al as-samawati wal ard fi jawfi bayda ?» Donc un démon a insufflé, a dit à ce abid, à cet adorateur, il lui a dit, penses-tu qu'Allah est capable de mettre les cieux et la terre à l'intérieur d'une coquille, en quelque sorte, à l'intérieur d'un œuf, si vous voulez? Alors, l'abid, lorsqu'il a entendu cette question, l'abid, il a dit, l'abid, ala tabi'atihi, sa nature, il a dit, d'alayen faire. L'abid, il a dit, il n'y a aucun profit, il n'y a aucune utilité en cela. لا يقدر على ان يجعل السماوات والارض في جوف بيضاء. Et ensuite il conclut en disant non, il n'est pas capable. Du fait qu'il n'y a pas d'utilité, il a dit il n'est pas capable de mettre les cieux et la terre في جوف بيضاء dans une coquille ou bien à l'intérieur d'un œuf. فرجع الجنود الى زعيمهم. Donc alors là les démons sont revenus à leur zaïm, hein, à leur chef, Shaitan, Satan, et ils lui ont fait part de la parole du abid, de l'adorateur, en lui disant, ah, il a dit qu'Allah n'était pas capable. Alors, Shaitan leur a dit, nafa qudrat Allah. Il a certes renié le pouvoir absolu d'Allah. Il a certes renié en quelque sorte la puissance et la capacité d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc là, on peut comprendre que là, Shaitan, il l'a fait tomber dans quelque chose de très grave, dans une croyance et une conviction très grave envers notre Seigneur, envers Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma arsalahum ila al-alim. Ensuite, là, maintenant, il a envoyé ses démons, ses soldats, chez un savant. Alors, lorsqu'ils arrivèrent chez le savant, faqalu lahu, ils lui ont dit, hal yaqdiru Allah ala an yaj'al as-samawati wal ard fi jawfi bayda? Ils lui ont dit, est-ce qu'Allah, jalla wa ala, il est capable de mettre les cieux et la terre dans une coquille ou bien dans l'intérieur d'un œuf? فقال نعم. Et le savant a dit, نعم, oui, bien sûr que oui. قالوا كيف ذلك. Et nous ont dit, et comment cela? Alors le savant a répondu, إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Il a répondu un verset dans Surat Yassin, lorsqu'Allah Jalla Wala dit, certes, son affaire, lorsqu'il veut une chose, il suffit pour lui de dire soit et elle est. Tout simplement. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un verset, il lui suffit lorsqu'il veut une chose de dire à cette chose kun fayakun, soit, et cette chose est, c'est-à-dire elle est existante. Et elle existe, elle peut exister. Donc le alim leur dit, fa'idha amar Allahu samawati wal ard an takuna fil bayda sarat. Alors il dit, le alim il leur dit, si Allah jalla wa ala veut que les cieux et la terre soit dans une coquille ou bien dans le fond d'un œuf, il dit, Allah Jalla wa Ala peut. Et cela se fera. Alors il dit, soit c'est les cieux et la terre qui vont rapetissir, ou bien c'est la coquille, l'œuf, hein, qui va grandir. Al-Muhim, l'important, Ida arada Allahu dhalik, qala lahu kun fayakun. L'important, c'est de savoir, lorsqu'Allah veut une chose, il lui dit soit, et cette chose est. Elle devient existante. Et là, vous voyez, il n'a pas pu égarer l'alim, le savant. C'est pour ça, celui qui a de la connaissance, celui qui connaît sa religion, eh ben, là, il commence à faire du mal à Shaitan. Et Shaitan a du mal avec lui. C'est pour ça, le fait d'apprendre sa religion, le fait d'essayer de comprendre sa religion, Le fait lorsqu'on ouvre le Coran, on essaie de méditer les versets, on essaie de les comprendre. Le fait que lorsqu'on lit les hadiths, les traditions du prophète, on essaie de les comprendre. Et on essaie d'apprendre notre religion. Sachez que c'est l'une des plus grandes adorations. C'est l'une des plus grandes adorations. Vous avez vu par exemple l'importance, l'une des grandes adorations qui a été légiférée par notre Seigneur, par exemple, celui qui arrive à se lever la nuit et à prier, à faire des unités de prière la nuit. Là, la personne, alors qu'il est seul, et la nuit, les gens, alors que les gens, en général, dorment la nuit, Allah a fait que la nuit est faite pour dormir, hein, et le jour est fait pour que les gens puissent vaquer à leurs préoccupations et leurs occupations. Alors, imaginez-vous cette personne qui se lève la nuit, alors que les gens dorment, et personne ne le voit, il est dans l'obscurité, c'est entre lui et son Seigneur, il se lève et il prie des unités de prière. Ça fait partie des plus grandes adorations. Là, le serviteur, vraiment, il prouve sa sincérité qu'il a envers Allah, subhanahu wa ta'ala, et de ce fait, Allah, jalla wa'ala, lui promet une rétribution qui est immense pour celui qui se lève la nuit et qui prie des unités de prière. Là, il prouve sa sincérité, il prouve sa foi, sa croyance envers Allah, subhanahu wa ta'ala, et regardez, et aussi, il y a la complexité, la difficulté. La difficulté pour une personne de se lever la nuit. C'est pour ça que là, vraiment, la personne, il prouve sa foi en Allah, subhanahu wa ta'ala, et que vraiment, il est dans une préparation pour sa vie future, sa vie de l'au-delà. Et donc, vu la complexité, la difficulté de se réveiller, il faut que la personne se réveille, donc il va faire les causes pour se réveiller. Au moment de se réveiller, il est dur pour la personne, hein, pour l'âme, de se lever, et ben lui, il va maîtriser son âme, sa personne, et il va se lever pour son Seigneur. Vous avez vu, cette adoration, elle est immense. Et ben certains savants, ils ont dit, le fait d'apprendre la religion, c'est encore plus grand. Ils ont dit, le fait d'apprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de faire talab al-ilm, le fait de lire, le fait d'apprendre, le fait de mémoriser, le fait d'essayer de comprendre sa religion et de l'apprendre, parfois certains savants ont dit que c'est encore plus grand que, par exemple, deux rakat ou une prière. Et là, c'est pour vraiment dénoter, pour vraiment comprendre que apprendre la religion, c'est vraiment une adoration. Celui qui le fait sincèrement pour Allah, alors c'est vraiment une adoration qui est immense. Et là, ce qu'il est en train d'apprendre, ce n'est pas rien, ce n'est pas n'importe quoi, comme on dit. Il est en train de prendre l'héritage. Il est en train de prendre l'héritage que le prophète sallam a laissé. Puisqu'on a dit, le prophète n'a ni laissé de biens, ni de fortune, ni d'argent, ni de dinars, ni de dirhams, mais il a laissé la science. Et le fait d'apprendre cette science-là, on est en train de prendre l'héritage. Eh bien, sachez que là, vous faites du mal à Satan, à Iblis, à Shaitan. Là, Shaitan, ensuite, il a du mal avec vous. Il a du mal avec cette personne. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois, il va essayer de vous ouvrir une porte pour vous égarer. Vous avez compris sa ruse. Et vous avez compris son stratagème. Et vous avez compris son complot. Donc à chaque fois qu'il essaye de vous égarer, qu'il essaye de vous ouvrir une porte, hein, parfois même de bien, hein, des fois il va vous ouvrir une porte de mal, et des fois ça va être plus dur, il va vous ouvrir une porte de bien, quelque chose de bien, mais pour qu'à la finale, vous tombez dans un mal. Alors, plus vous avez de la connaissance et vous connaissez votre religion, et plus vous allez reconnaître les ruses d'Iblis et ses stratagèmes. Et de ce fait, il ne pourra pas vous égarer. Et il aura énormément, énormément de mal. Vous allez lui causer énormément de fatigue. C'est pour cela que Iblis n'aime pas le savant et se réjouit de la mort de celui qui connaît sa religion, du savant. On va continuer. Ensuite, Khulasat al-Kalam. Cheikh Ibn Uthaymeen, plus loin, va nous expliquer Al-Khulasa, en résumé ce qu'il faut comprendre, avant qu'on puisse étudier ensuite la prière de la consultation. Al-Khulasa, par rapport à l'étude de ce verset. Donc là, à présent, on a compris le thème et le sujet de ce chapitre. Il dit Khulasat al-Kalam. Anna min asma'illahi ta'ala al-Qadiru, al-Muqtadir, wal-Qadir, lakinnaha muqayyada, fatakun min awsaf al-Fi'l. ثم إن القدرة لا تتعلق بالمشيئة فلا يقال إن الله على ما يشاء قدير بل يقال إن الله على كل شيء قدير كما قال تعالى عن نفسه والقدرة هي الفعل بلا عجز وهي صفة ذاتية وهي صفة ذاتية. Donc en conclusion de cette première étude, donc ils disent qu'il faut retenir ce qui est important. En résumé, c'est qu'Allah, parmi ses noms sublimes, il y a parmi ces noms, Al-Qadir, Wal-Muqtadir, Wal-Qadir. Donc il a, parmi ces noms, ces trois noms qu'on a dit précédemment, Al-Qadir, Al-Muqtadir, Al-Qadir, qui sous-entendent l'attribut de Al-Qudra. Leur point commun à ces noms-là, que ce soit Al-Qadir, Wal-Muqtadir, Wal-Qadir, leur point commun, c'est qu'ils sous-entendent l'attribut qu'on appelle Al-Qudra, du pouvoir absolu, c'est-à-dire de la puissance ou de la capacité. Le fait qu'Allah Jalla wa Ala est capable de tout. Rien ne peut le réduire, subhanahu wa ta'ala, à l'incapacité. C'est ça qu'il faut retenir. Et il dit cet attribut, Al-Qudra, Cheikh Al-Uthaymeen nous explique un point très subtil hein, et précis, c'est un attribut d'essence. C'est un attribut lié à l'entité même de notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala, lié à l'essence même de notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et de ce fait, c'est pour cela qu'il fait allusion à cette parole lorsque beaucoup ils disent « Inna Allah ala ma yasha'u qadir » Certes, Allah est capable de faire ce qu'il veut ou Allah au sujet de ce qu'il veut, il est capable. Shir nous dit que cette parole, elle n'est pas complète. En quelque sorte, cette parole est fausse si on veut sous-entendre qu'Allah est capable de faire ce qu'il veut seulement. Donc le fait de dire, et on avait déjà fait allusion à cette parole dans des assises ou des allocutions précédentes, certains disent dans cette parole, « Inna Allah ala ma yasha'u qadir » Certes, Allah au sujet de ce qu'il veut, il est capable. Cette parole n'est pas complète ou bien elle est imparfaite. Cette parole est imparfaite. Dans le sens, le fait de dire, « Certes, Allah... » au sujet de ce qu'il veut, il est capable, ça sous-entend au sujet de ce qu'il ne veut pas, il ne serait pas capable. Donc, Shir, il dit, il vaut mieux rester, comme on l'avait pris dans des autres allocutions, sur les versets, comme Allah Jalla wa Ala nous a dit dans les versets. Dans les versets, Allah nous a dit, « Inna Allah ala kulli shay'in qadir » Et certes, Allah est capable de toutes choses, aussi bien les choses qu'il veut et aussi bien les choses qu'il ne veut pas. Toutes choses. Rien ne peut le réduire à l'incapacité. Allah est capable de toutes choses, subhanahu wa ta'ala. Voilà en résumé ce qu'il faut retenir. Et donc, à travers l'étude de ce chapitre, lorsqu'on sait qu'Allah Jalla wa Ala est capable de toute chose, eh ben, ça va nous rajouter de la rassurance, ça va intensifier notre croyance, notre dévotion, notre soumission envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, lorsque la personne, il va se retrouver dans la difficulté, lorsqu'il va être dans les problèmes, et la vie, elle est comme ça, la vie, la personne, il va vivre des hauts, il va vivre des bas. Et la personne ne peut pas être toujours dans la prospérité. Pourquoi ? Parce que là, il faudrait qu'il s'interroge. Si une personne, elle est jamais malade, si une personne, elle n'a jamais de problème, si une personne, elle voit que sa vie est toujours belle, comme on dit, alors là, il faut qu'il se pose des questions. Pourquoi ? Parce qu'Allah, Jalla wa Ala, comme on l'a dit, dans des hadiths, le prophète ensemble nous dit qu'Allah, Jalla wa Ala, idha habba qawman ibtala. Lorsqu'Allah, il aime un peuple, il l'éprouve. Lorsqu'Allah il aime un peuple, il éprouve. C'est pour ça qu'il nous a rapporté dans les premières générations, parmi les pieux prédécesseurs, qu'une femme, un jour, lorsqu'elle avait vu son mari qui tombait jamais malade, alors à un moment, elle s'est demandé qu'elle allait demander la séparation. En se disant, si lui, il tombe jamais malade, elle s'est posé la question, est-ce que Allah, Jalla wa Ala, il aime cet homme ? Elle a commencé à douter. C'est pour, en quelque sorte, la personne sait que dans cette vie d'ici-bas, il sera éprouvé. Et d'ailleurs, comme on l'a dit précédemment, Allah, Jalla wa Ala, lorsqu'il aime un peuple, lorsqu'il aime des gens, il va les éprouver, il va tester leur foi. Et ça fait partie des règles universelles. Comment Allah gère cet univers? Allah est le régisseur de cet univers. Il garantit la gérance de cet univers. Et donc, parmi les règles universelles, il y a dans un verset, Allah dit « حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون » حسب الناس, est-ce que les gens vont croire, est-ce que les gens pensent qu'ils seront laissés, qu'on les laissera dire, qu'on les laissera dire qu'ils ont cru sans qu'ils soient éprouvés. Donc Allah, Jalla wa Ala, il va mettre à l'épreuve la foi et la croyance de la personne. Et bien, lorsque la personne va être éprouvée, lorsque la personne il sera dans des difficultés, il va vivre des problèmes, quel que soit le problème. Quel que soit le problème, la personne, il peut être touchée par une perte de biens. Il peut être touché économiquement, comme beaucoup en temps de pandémie, en temps de confinement, etc. On voit que économiquement, c'est aussi bien le problème, il devient aussi bien étatique à grande échelle qu'aussi bien au niveau des foyers, au niveau des familles. On voit que économiquement, beaucoup de gens sont impactés, sont touchés. Alors, beaucoup de gens sont éprouvés, par exemple, au niveau des biens. Parfois, on est éprouvé avec perte de proches, de gens qu'on aime. Parfois, on va être éprouvé par d'autres épreuves. La personne, par exemple, parfois, elle peut être éprouvée, par exemple, comme on voit beaucoup, peuvent être éprouvés aussi par le divorce, par exemple. Il y en a, ils sont accablés. Il y en a, ils sont touchés. Et souvent, c'est un gros problème. Pourquoi? Parce que c'est la déchirure d'une famille. C'est en quelque sorte la destruction d'une famille. Donc, c'est toute une famille qui est détruite. C'est tout un foyer et des enfants qui vont se retrouver avec des parents séparés, par exemple. Donc ça, c'est une épreuve. Donc il y a beaucoup de gens, par exemple, qui sont affligés et touchés par cette épreuve. Eh bien, regardez, en toute épreuve, à tout moment, à chaque instant, lorsque le serviteur, il sait que son Seigneur est capable de tout. Regardez, à quoi ça sert que l'auteur nous évoque, il nous parle de cet attribut? Et à quoi ça sert qu'Allah Jalla wa'ala nous dit dans le Coran qu'il est Al-Qadir, ou Al-Qadir, ou Al-Muqtadir, qu'il est capable de tout? Ça sert à savoir que Allah Jalla wa'ala, il est capable de tout. C'est-à-dire, dans n'importe quelle situation vous allez vous trouver, Allah Jalla wa'ala peut tout changer, subhanahu wa ta'ala. Même des choses jamais vous allez y penser, Allah Jalla wa'ala, il peut changer votre situation. Comme on l'avait expliqué lorsqu'on a expliquer la parole la hawla wa la quwwata illa billah dans le chapitre précédent. Donc regardez, ça se suit. Lorsqu'on sait qu'Allah est celui qui entend, lorsqu'on sait qu'Allah est celui qui voit tout, regardez, donc Allah entend nos supplications, nos implorations, comme on a dit dans la question précédente. Allah voit notre situation et regardez, là maintenant on apprend qu'Allah il est capable de tout. Donc n'importe quel problème que vous avez, ne doutez point. Parfois le problème, comme on a dit, il vient de chez nous, il est en nous-mêmes. On doute qu'Allah Jalla wa Ala peut nous accorder l'issue favorable. On doute. Alors, lorsque la personne a la certitude qu'Allah il est capable de tout, sachez, n'importe quel problème que vous avez, si vraiment vous en remettez à Allah Jalla wa'ala, et votre retour se fait vers Allah subhanahu wa ta'ala, vous verrez qu'Allah Jalla wa'ala peut tout changer, subhanahu wa ta'ala. Il est le créateur de ce monde, il est le créateur des cieux. Imaginez-vous l'immensité de cet univers. L'immensité de cet univers. Imaginez-vous tous les êtres qu'Allah Jalla wa'ala a créés depuis le début de l'humanité, depuis Adam, jusqu'à nous, notre époque. Imaginez-vous tous ces êtres. Et Allah Jalla wa'ala, s'il donnait à tous les hommes, comme il nous a dit dans un récit, il donne à tous les hommes, que ce soit les djinns et tous les hommes depuis le début de la création, il donne à tous les hommes. Tout le monde lui demande en même temps, que ce soit les humains, les djinns, tout le monde l'implore en même temps et il donne à tout le monde en même temps, ça ne diminuerait rien de tout ce que possède le créateur subhanahu wa ta'ala. Donc regardez, là c'est juste pour vous donner un exemple du réel sens de Al-Qadir, celui qui est capable de tout. De ce fait, maintenant vous allez comprendre que l'imam al-Bukhari, maintenant, et regardez, c'est très pertinent si vous observez bien, pourquoi maintenant l'imam al-Bukhari, c'est vrai lorsqu'on réfléchit, pourquoi maintenant l'imam al-Bukhari, il va mentionner le hadith relatant la prière de consultation? La consultation, comme on va l'expliquer, c'est lorsque, par exemple, vous hésitez entre deux choses, par exemple, vous avez un choix à faire dans votre vie, un choix important, vous savez pas, que ce soit pour un mariage, que ce soit pour une entreprise, que ce soit un projet, que ce soit pour un voyage ou autre. Dans n'importe quelle situation, par exemple, lorsque vous êtes perplexe, vous êtes dans une situation, il faut faire un choix. Il faut faire un choix et vous avez deux choix à faire, soit l'un, soit l'autre, par exemple, et vous savez pas. Vous savez pas. Par exemple, une personne, il veut se marier. Donc là, on lui a présenté une personne, il sait pas. Est-ce qu'il s'avance? Est-ce qu'il va plus loin? Ou est-ce que non? Il va pas plus loin? Il ne sait pas. Il veut s'associer avec une personne dans une affaire. Il a un projet. Il sait pas. Est-ce qu'il concrétise? Est-ce qu'il concrétise pas l'affaire? Est-ce qu'il va plus loin? Il ne sait pas. Il est dans le doute. C'est confus. Tout est flou pour lui. Il ne sait pas. Par exemple, il veut faire un voyage ou il veut faire autre chose. Il veut investir dans quelque chose. Il sait pas. Il est dans le flou. Alors, le prophète Sam nous enseigne, regardez, dans la religion, on a tout pour être apaisé et rassuré. Notre Seigneur, il est avec nous. Comme on l'a dit précédemment, le prophète nous enseigne que le Seigneur est proche. Il est proche, il est avec ses serviteurs. Dans le sens qu'Allah, Jalla wa'ala, il cerne tout de sa science. Allah est avec ses serviteurs. Allah, dans le sens, il les insiste. Allah les appuie. Allah les secourt. Vous avez vu? Ça, c'est très important de toujours l'avoir à l'esprit. Et ça, c'est une croyance, c'est des convictions à avoir. Et c'est pour ça que la personne, lorsque par exemple, il n'accorde aucune importance à ces convictions-là, lorsqu'il n'a pas cette croyance-là envers Allah, ce printemps-là, c'est pour ça que la personne, il ne faudra pas ensuite qu'il se plaigne si Allah le laisse à lui-même. Et lorsque la personne est laissée à lui-même, alors là, c'est la perdition totale. Si Allah nous laisse à nous-mêmes, ne serait-ce l'instant d'un clin d'œil, c'est la perdition totale, c'est l'échec total. Si Allah nous assiste pas, nous appuie pas, ne secourt pas, il nous laisse à nous-mêmes, seul, c'est l'échec total. C'est pour ça dans la dua qu'on dit le matin et le soir, « Ya hayyu ya qayyum, bi rahmatika astaghith, aslihni sha'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfat ayn. » Et ne me laisse pas à moi-même, ne serait-ce l'instant d'un clin d'œil. Ça, c'est un dua. On demande à Allah qu'il ne nous laisse pas à nous-mêmes, ne serait-ce l'instant d'un clin d'œil. On a toujours besoin de son aide, de son assistance, de son secours, de son soutien, de son appui. C'est pour ça que ça, c'est quelque chose que le musulman, la musulmane, doit avoir constamment avec elle. La personne qui n'a pas ça, qui doute de cela, ou qui revient par Allah lorsqu'il a des problèmes, c'est pour ça qu'on voit beaucoup de gens ensuite, eh ben, ils s'enfoncent encore plus dans leurs problèmes. Et ils ne trouvent pas d'issue à leurs problèmes. Et c'est pour ça qu'ensuite, ils sont dans des déprimes. Ils sont dans des dépressions. Et ensuite, eh ben, on leur prescrit, ils vont penser qu'ils vont sortir de ces dépressions-là avec des décalmants, avec toutes sortes de médicaments. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'ils sont dans une période de faiblesse. Et au lieu de revenir vers leur Seigneur, subhanahu wa ta'ala, qui va leur trouver les issues favorables, eh ben, eux, ils ne sont pas revenus vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et de ce fait, ensuite, on est laissé à nous-mêmes. On est laissé à nous-mêmes. Et lorsqu'on est laissé à nous-mêmes, comme on l'a dit précédemment, c'est l'échec total, c'est la perdition. Donc regardez, c'est très pertinent. Comme on l'a dit précédemment, vous avez un choix à faire. Et bien le prophète nous a enseigné une prière à faire qu'on appelle la prière al-istikhara, de consultation. Si vous faites cette prière, Allah va vous aider dans votre choix. Allah va vous aider dans votre choix. N'importe quel choix que vous deviez faire, Allah va vous aider dans ce choix. Et regardez, c'est très pertinent. Regardez, c'est très minutieux. Lorsque l'imam al-Bukhari nous a cité juste un verset où il y a allusion au nom d'Allah, qu'Allah est capable de toutes choses, le hadith qu'il va mentionner ensuite, c'est le hadith concernant et relatant la prière de consultation. Donc le lecteur, à ce moment-là, il va se poser la question, mais pourquoi l'imam Bukhari a fait le choix de mettre le hadith, la prière de consultation, dans ce chapitre ? Mais quelle est la raison ? Et là, on voit que lorsque le serviteur, parce que c'est lié à la capacité, au pouvoir d'Allah, à la croyance en Al-Qudra d'Allah, lorsque le serviteur, il a cette croyance, la conviction qu'Allah est capable de toute chose, alors il va s'en remettre à lui. Et en l'occurrence, dans ces moments-là où il a un choix à faire, un choix important dans sa vie, un choix important, comme on a dit précédemment, le mariage, un investissement, par exemple, un projet ou autre, il a un choix à faire, alors là, il revient à son Seigneur. Combien de gens parfois ils ont un choix à faire, ils ne savent pas qu'ils peuvent revenir à Allah, Jalla wa'ala. Ils ont une prière à faire que le prophète Islam nous a enseigné. Et là, Allah, Jalla wa'ala, va leur ouvrir les portes. Et Allah, Jalla wa'ala, eh ben, il va les aider en cela. Et donc, vous avez vu, l'imam al-Bukhari, c'est très minutieux, c'est très subtil. Lorsqu'il a d'abord parlé dans ce sujet-là de Al-Qudra, il fait allusion à l'attribut d'Allah, qu'Allah, Jalla wa'ala, a le pouvoir absolu, il est capable de toutes choses. Ensuite, il nous enseigne le hadith de la prière de la consultation. Donc on va s'arrêter là et se quitter sur ça, Inch'Allah. Et dans la prochaine allocution, Inch'Allah, on expliquera en détail qu'est-ce que la prière de consultation, on expliquera l'essence de la prière de consultation et certaines questions liées à la prière de consultation, comme par exemple, à quel moment on doit faire la prière de consultation, dans quelle prière, elle est liée à quelle prière par exemple. Et dans la prière, à quel moment on l'a fait ? Est-ce que c'est dans la prière ou bien lorsqu'on a fini la prière ? Et on expliquera des règles concernant la jurisprudence de cette prière de consultation, si Allah le veut et nous le permet. Wallahu a'lam wa billahi tawfiq. Yamqalib al-qulub, thabbit qulubana ala dinik. Yamqalib al-qulub, thabbit qulubana ala dinik. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وذهاب غمومنا وهم منا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك